Je vais passer la parole à Alexis, qui en a déjà usé et abusé. C'est très bien, mais c'est l'heure de sa chronique. Eh bien, c'est parfait, parce qu'en fait, ça, on est un petit peu dans la même idée. Je voudrais parler un peu sans... Fondue enchaînée. C'est une fondue enchaînée parfaite. Je voudrais parler des journaux et de l'animation. Sans méchanceté de ma part, certains vont croire que je suis un peu aigri, pas du tout. J'aimerais juste dire que... Ça augure bien. On le sait depuis quelques temps, depuis bien sûr Kirikou, le public commence à venir enfin en masse voir des films d'animation. En effet, ne plus les considérer comme des dessins animés, mais on commence, ça y est, à parler, nous battons pour ça depuis des années, de films d'animation et non plus de dessins animés. Donc voilà, donc les gens arrivent, il y a depuis Les Tripettes de Belleville, La Prophétie des Grenouilles, des films de Pixar, et les gens viennent, et maintenant chaque film quasiment est numéro 1 ou numéro 2 box-office, on l'a vu récemment encore avec même des films comme Strange Bob, enfin SquarePants, qui est une espèce de série télé qui arrive numéro 2 aux États-Unis, et le Miyazaki qui bat tous les records au Japon, puisque visiblement là, Toho attend un Japonais sur trois qui aurait vu le film de Miyazaki, donc ce qui est énorme. Donc, évidemment, en France, Gang de requins, qui n'est pourtant pas très bon, bat l'Enquête Corse, qui ne doit pas forcément être très bon non plus, mais on passera là-dessus. L'animation intéresse le public, donc les journalistes et les journaux s'intéressent à l'animation. Avant, ils s'intéressaient un peu moins, mais ils s'intéressent, j'imagine, il y a 10 ans. Un journal, je ne sais pas, on ne dira rien. Comité de rédaction, il y a le nouveau Woody Allen qui sort, qui veut le faire. Moi, qui veut faire le prochain Kubrick. Oh, moi, oui, le Godard. Oh, et puis moi, bon, puis là, j'ai un Toro Roto, quelque chose, donc un truc japonais pour les enfants, ça intéresse quelqu'un. Non, on va le donner au stagiaire. Oh, puis, de toute façon, c'est pas grave, il y a le dossier de presse, il fera bien l'affaire. Et, donc voilà, maintenant, Dieu merci, Miyazaki est adulé à juste titre et fait toutes les couvertures, pareil pour Les Indestructibles, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi je râle, il n'y a aucune raison de râler. En effet, c'est plutôt bien. Si l'animation maintenant enfin arrive à tout le monde et peut permettre à tout le monde de voir des choses exceptionnelles, j'en suis le premier ravi. La seule chose, c'est quand les journaux se permettent en fait de faire des raccourcis. Ça, c'est là où est le problème. Récemment, non. Allez, tant pis, j'y vais. Faut citer des noms. Faut citer, j'y vais. Dans Ciné Live, par exemple, qui a fait un numéro spécial. Non. Peut-être, mais bon. Ils ont fait, c'est leur deuxième numéro. Ils ont fait un numéro spécial Ghibli et un numéro spécial Pixar. C'est l'une des revues les plus lues. Ciné Live, il faut le savoir. Première est en baisse, Studio est en baisse. Donc Ciné Live vient de faire Pixar et ose dire en plein milieu de l'article sur le futur de l'animation en 3D que, Dieu sait si les gens qui me connaissent savent que je ne vais pas forcément défendre Disney, mais quand même, ose dire que Disney vole à DreamWorks leurs prochaines idées, notamment par rapport à Madagascar, en oubliant de mentionner qu'il y a quelques années, Katzenberg, lui-même en partant de chez Disney, a quand même pris dans sa valise les choses qu'elle avait faites chez Pixar pour les refaire. Donc, bien sûr, je parle de Fourmise qui avait été fait chez DreamWorks, qui était... Allez, pas un plagiat, mais qui utilisait ce qui allait être fait par Pixar peu de temps après, parce qu'il s'était dépêché en plus de faire le film pour le sortir avant Mille et une pattes aux États-Unis pour un peu doubler. Et là, donc, on en oublie un petit peu. Donc, on fait les journaux maintenant se permettent de faire des raccourcis historiques qui sont un peu dérangeants, parce qu'en fait, ils arrivent là et ils disent des choses qui sont pas vraies. Donc, c'est un petit peu gênant. Le pire. On l'a vu, ça va être, je vais en parler un petit peu après, juste Ghost in the Shell 2, qui est vraiment traité dans toutes les bonnes revues de manga. Moi, j'ai jamais vu de manga au cinéma, en tout cas, je sais pas, feuilleté peut-être, quelqu'un feuilleté un manga. Faudrait leur dire qu'un manga, c'est bien sûr une bande dessinée, non pas un film. Et le pire, c'est le Pôle Express, qui est sorti le 1er décembre, qui, à part le fait que le film ne soit pas très bon, mais ça, encore une fois, c'est autre chose, est traité dans tous les magazines et dans tous les magazines, de Mad Movies à Première, en passant par, je sais plus, Studio, enfin Ciné Live encore, etc., de révolution. C'est la révolution dans le cinéma tout court. Alors, une révolution certes, mais qu'est-ce que c'est exactement le Pôle Express? C'est de la motion capture. La motion capture, c'est, on prend un acteur, on lui met des petites choses un peu partout sur lui, et on le remet ensuite dans l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement une version modernisée du rotoscope inventée par les Fleischer à la fin des années 10, 1900 bien sûr. Donc ça fait plus de 100 ans. Donc le mot révolution doit être un peu fort. Et il faut un petit peu que les journalistes maintenant change un petit peu, et je suis ravi que tous ces gens maintenant parlent de ce qu'on adore, l'animation, au contraire. Il faut juste y réfléchir un tout petit peu plus et ne pas parler de choses et d'autres. Surtout quand dans un même magazine comme, allez, Mad Movies, on hurle contre la presse généraliste juste avant parce qu'on, justement, traite Ghost in the Shell 2 de manga et que quelques pages après, on a un grand papier sur le Pôle Express. Allez, parce que le journaliste a sûrement été invité là-bas pour voir quelques images d'après ce qu'on comprend, et en disant évidemment que c'est une révolution et en mettant à droite à gauche des grandes portions d'interviews qu'on retrouve peu de temps après dans le dossier de presse et qui se retrouvent un peu partout dans la presse. Donc juste, je pense que tout journaliste, et on a la chance de pouvoir l'être, il faut juste faire un petit travail de recherche pour pouvoir réellement parler de ça. Qui continue à en parler, bien évidemment, juste ne pas faire d'erreur historique, ça serait plutôt bien. En évoquant le Pôle Express, il s'agit du film de Robert Zemeckis, qui est actuellement sur nos écrans, qui est sorti mercredi dernier, je crois. Tout à fait, oui. Et qui est une énorme production, qui a coûté 165 millions de dollars, qui est censé... Zemeckis, qui avait déjà fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui, pareil, n'était pas une révolution, comme encore plein de journalistes l'ont dit, mais qui était un film d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais qui reprenait déjà ce qui avait été fait. On en a parlé lors de la dernière émission par Jerry the Tyke et Out of the Inkwell, et qui le reprenait de très belles manières. On y retrouvait Betty Boop, notamment Noir et Blanc, on trouvait un petit peu tous ces gens-là, mais tous ces personnages-là, tous ces gens-là. Mais voilà, c'est le film est plutôt raté parce que Zemeckis veut se mettre au-dessus des animateurs. Zemeckis dit tout simplement, mon film est meilleur car plus réaliste, tout simplement parce que ce que je fais, aucun animateur peut le faire. C'est dans le dossier de presse. Faut juste expliquer à Zemeckis qu'il a eu la chance de travailler avec des très grands animateurs sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que je crois que Richard Williams a travaillé dessus, donc c'est pas n'importe qui, et que justement la force des vrais grands animateurs, des gens de Disney jusqu'à tous les animateurs qui ont travaillé pour Disney, bien sûr, c'est pas le réalisme, c'est juste de nous faire, justement, comme Miyazaki, comme Moebius, de nous faire voyager dans des univers qui leur sont propres et de recréer le réel pour s'approprier, pour en faire une œuvre qu'on adore et qui nous fait rêver, et non pas être plus réaliste.